إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue toujours la série de cours d'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, explication faite par notre noble cheikh العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Et on est arrivé au chapitre concernant la position de la sunna et son lien, son rapport avec le Coran. Et un des derniers points dont on avait parlé le cours précédent, c'était le point du qiyas. On ne va pas revenir là-dessus. Je vous avais dit, je vais donner une référence pour les frères qui veulent avoir plus d'informations au niveau du qiyas. Je vais donner un livre de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah qui s'appelle Sharh Usul min Ilm al-Usul, page 540, aux éditions Dar ibn al-Jawzi. Le Cheikh Hafidah rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, il a écrit un livre dans la science qu'on appelle Usul Fiqh, qui est les fondements de la jurisprudence, et qu'il a expliqué lui-même. Donc Usul min Ilm al-Usul, c'est le livre de Cheikh Al-Uthaymin qu'il a expliqué lui-même, et il a appelé Sharh Usul min Ilm al-Usul. Et donc page 540 et page suivante, il y a donc tout un chapitre sur ce qu'on appelle Al-Qiyas. Et ça, c'était pour avoir plus de détails au niveau du qiyas. On avait parlé, pour les frères qui n'étaient pas là le cours précédent et les sœurs qui n'étaient pas là au cours précédent, le deuxième cours, qui est le cours précédent, est disponible sur notre site spfbirmingham.com. À la Koulihal, on continue donc toujours cette explication. Et pour les frères qui ont le recueil de Fatawa de Cheikh Rabi', c'est de là que j'ai pris cette version de l'explication de Usul Sunnah. C'est dans le deuxième volume et c'est page 371. On est à la page 371 aujourd'hui. قال ولا تضرب لها الأمثال إذا جاءك نص سلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء. Donc l'imam Ahmed رحمه الله, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et on ne lui donne pas d'exemple. Donc ici c'est toujours le texte originel de Cheikh de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui est expliqué par Cheikh Rabi'a. Donc la parole qu'on vient de dire, c'est la parole de l'imam Ahmed. Et on ne lui donne pas d'exemple. وَلَا تُدْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ. Il parle de quoi ici? Il fait référence à la sunna. Cheikh Rabi'a dit, إِذَا جَاءَ كَنَصٌ سَلِّمْ. Si un texte te parvient, eh bien soumets-toi. La traduction du sens, et puis il a cité un verset du Coran de Surat Nisa, dont la traduction du sens est: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps. Et vous voyez le verset comme il est clair. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence, entre parenthèses, Surat An-Nisa, verset 65. Et vous comprenez bien ici ce qu'on appelle wajh l'istidlal en langue arabe. On avait toujours dit qu'on utilisait un dalil. Il y a ce qu'on appelle wajh l'istidlal. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on utilise ce dalil pour ce qu'on avance, hein? Bon, pour ce quoi on avance. Donc, Cheikh Rabi, il a dit quoi ici? Il a dit, si un texte parvient, qu'est-ce qu'on doit faire? Soumets-toi. Qu'est-ce qu'il est le verset, ou en tout cas la traduction du sens dit à la fin, hein? وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ. Et qu'ils se soumettent complètement. Donc c'est pour ça que Cheikh Rabi a cité ce verset ici, Hafidahullah Ta'ala. Et puis il continue en disant, إِذَا سَاقَ لَكَ إِنسَانُ النَّصِ الثَّابِتِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ لَا تَقُلْ وَاللَّهِ يَعْنِي وَتَدْرِبُ الْأَمْثَالِ. هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال على من أكل ما مسته النار الوضوء. روى هذا الحديث في الأمر بالوضوء مما مسته النار، فقال له أحد الصحابة: أرأيت الحميم، يعني الماء الساخن، أتوضأ منه؟ قال: يا ابن أخي، إذا بلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني سلم. هذه قاعدة بارك الله فيكم. Cheikh Rabi, il continue en disant, si quelqu'un t'amène un texte, donc il faut toujours voir ça aujourd'hui dans le cadre du cours d'aujourd'hui, on parle de quoi? D'un fait de ne pas donner d'exemple à la sunna. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans un instant, inshallah. Wala tudrabu lal amthal. Et on ne donne pas d'exemple à la sunna. Hein? Et on ne lui donne pas d'exemple. Et bien, Cheikh Rabi, il continue son explication de ce point-là en disant, si quelqu'un t'amène un texte établi, thabit, authentique, sahih, ou bon, hasan, hein? Qui est un des genres, si vous voulez, de l'authentique, mais qui est plus faible que le sahih, mais qui est toujours, on peut traduire ça par bon. Pour les frères qui veulent avoir plus de détails au niveau du hasan, qu'ils retournent au livre de Mustalah al-Hadith, comme par exemple Al-Bayquniya ou bien d'autres livres, pour avoir la définition du hasan. Donc, en résumé, que c'est un texte authentique, qui soit sahih ou hasan, donc authentique ou bon, hein, et qu'il soit établi, eh bien, on ne dit pas par Allah, hein, c'est-à-dire que tu cherches à donner des exemples. Puis Cheikh, il va illustrer ça dans un instant, et il dit, ceci a été dit par Abu Huraira radiallahu anhu arda, comme cela a été rapporté dans la traduction de Sunan ibn Majah. Et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait le cours précédent, que l'imam Ahmed rahimahullah, dans tout ce qui s'est basé, dans tout ce qu'il a dit, il s'est basé évidemment sur quoi? Sur le Coran wa Sunnah, sur la compréhension des salaf. Donc vous voyez ce qu'il a dit ici, il n'est pas le premier à le dire. Wala tudrabu lal amthal. Abu Huraira radiallahu anhu, comme cela a été rapporté dans l'introduction de Sunan ibn Majah, et c'est le hadith numéro 485. C'est-à-dire qu'il a dit, donc si tu es bien ici, je voudrais que vous fassiez un peu plus attention, parce qu'on va rentrer dans le fiqh maintenant. Et vous voyez que souvent les sujets de la religion, ils sont liés les uns aux autres. Hein? Il y a un hadith qu'Abu Huraira cite, d'accord? Et c'est celui qui a mangé, et c'est une traduction du sens ici, hein? C'est pas une traduction littérale, celui qui a mangé ce qui a été touché par le feu doit faire ses ablutions. Parce que si je devais traduire le hadith de manière littérale, ce serait quoi? Ala man akala mamasatu an-nar al-wudu. Hein? Mais c'est exactement ça, on va expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Celui qui a mangé ce qui a été touché par le feu doit faire ses ablutions. Donc c'est un hadith qui est apporté par qui? Hein? Ici, par Ibn Majah, et c'est le hadith numéro 485. D'accord? Et Abu Hara, il dit, Cheikh Rabi' sur lui, il a rapporté ce hadith sur l'ordre de faire les ablutions quand on a mangé ce qui a été touché par le feu. On va voir ce que ça veut dire dans un instant, Inch'Allah. Un compagnon lui dit alors, qu'en est-il du al-hamim en arabe? Al-hamim, et Cheikh Rabi' l'explique en disant, c'est quoi? Al-ma al-sakhin. Al-ma al-sakhin, l'eau chaude. Vous vous situez un peu, vous voyez pourquoi il a amené cet exemple maintenant. Il y a un texte authentique, ça, oulala, qui dit quoi? Que celui qui a mangé quelque chose qui a été touché par le feu dans certaines riwayats, qui a été changé, transformé par le feu, eh bien quoi? Qu'il fasse ses ablutions. Un des compagnons a dit quoi? Qu'en est-il du hamim, de l'eau chaude? Dois-je aussi faire mes ablutions? Abu Huraira dit, radiallahu anhu arda, ô fils de mon frère. Et parmi les explicateurs de ce hadith, ils disent que c'est une manière que qu'on a en langue arabe de parler à quelqu'un de plus jeune que soi, ou bien ya'am, quand quelqu'un est plus âgé que soi. D'accord? Ô fils de mon frère, si un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'est parvenu, ne lui donne pas d'exemple. Ça rejoint la parole de l'imam Ahmed ou pas? C'est-à-dire, soumets-toi. C'est une règle qu'Allah vous bénisse. C'est Cheikh Rabi' qui dit ça. Alors, pour avoir un peu plus de détails à ce niveau-là, sans rentrer dans le fiqh al-hadith lui-même, je vous donnerai des références, inshallah, à la fin. J'étais cherché dans Hashid Sindi. Alors, pour les frères qui... Comme je conseille toujours dans les cours, c'est que quand on traite un livre et quand on cite une référence, eh bien que vous retourniez à cette référence. Et c'est comme ça que le talib ilm se construit. Il apprend à connaître les livres et il retourne. C'est-à-dire que maintenant on a parlé de ce point-là, par exemple sur l'wudu, de ce qui a été touché par, quand on mange ce qui a été touché par le feu, eh bien allez voir Sunan ibn Majah, hein, le sharh qui est Hashid Sindi, allez voir qu'est-ce que les ulama disent par rapport à ça et cherchez dans les autres livres de fiqh que je vais vous citer dans un instant, inchallah, vous pouvez voir qui ont traité de ce problème et vous pouvez avoir plus de renseignements. على كل حال السندي العلامة السندي رحمه الله كان grand savant du hadith il a fait une hachia une annotation d'Ibn Majah qu'on appelle d'ailleurs chez les ulama ils appellent ça hachiatu السندي على ابن ماجه Il en a fait une autre qui est sur quoi? An-Nasa'i. Hachet Sindi ala Sunan Nasa'i. Eh bien, قال العلامة السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه قوله توضأ مما غيرت النار أي توضأ للصلاة ونحوها لأجل أكل طعام غيرته النار وإلا فلا وضوء عند أكله. Donc العلامة السندي رحمه الله on a dit que ce hadith il est dans quoi? Dans Sunan ibn Majah. D'ailleurs, quand vous regardez dans la note de bas de page ici, Cheikh il rapporte le hadith 485 comme on a déjà dit dans Sunan ibn Majah dans l'introduction. D'accord. Et dans le chapitre 2 de la purification, numéro 485. Et il dit quoi? L'éminent savant Sindi Rahimahullah, donc dans son explication, dans son annotation d'Ibn Majah, il dit « Sa parole fait les ablutions en raison de ce qui était changé par le feu, c'est-à-dire faites vos ablutions pour la prière. Hein, » Ce n'est pas que quand tu manges, c'est quand tu veux prier que tu vas manger quelque chose qui a été changé par le feu et que tu vas ensuite quoi? Prier, et bien dans ce moment-là, tu fais tes ablutions. En raison du fait d'avoir mangé une nourriture changée, transformée par le feu. Sinon, on ne doit pas faire d'ablution lorsqu'on le mange. Qawluhu atawadda'u min al-hamim, ay al-ma' al-har, ay yanbaghi 'ala muqtada hadha al-hadith, an al-insan idha tawadda'a bil-ma' al-har, yatawadda'u thaniyan bil-ma' al-barid. فرد عليه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث فإن المراد أن أكل مغيرة النار يوجب الوضوء لا ممن مسته الأعضاء. Donc cette parole, pourquoi je l'ai citée ici, sans rentrer dans le fiqh, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait des ablutions quand on a mangé quelque chose qui a été touché par le feu, mais pourquoi j'ai rapporté cette explication de Sindi Rahimahullah? Il explique l'exemple qui a été donné ici, ce qu'on appelle Darb al-Mathal, hein, ce qu'on est en train de voir. Il dit, sa parole, dois-je aussi faire mes ablutions après avoir utilisé al-Hamim? On a dit qu'al-Hamim c'est quoi? Al-Ma al-Sakhin, hein, l'eau chaude, al-Ma al-Har, c'est-à-dire l'eau chaude, c'est-à-dire qu'il convient, en raison de l'implication de ce hadith, que l'individu, lorsqu'il fait ses ablutions avec de l'eau chaude, qu'il fasse une deuxième fois ses ablutions après la première avec de l'eau froide. C'est ça qui était compris. Vous comprenez ou pas? Or, c'est juste ça ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Rappelez-vous de là, je répète. Hein, là, quelque part, c'est ce qui a été dit ici. Atawadda'u min al-hamim, est-ce que je dois faire? Quand il a cité le hadith sur ce qui a été touché par le feu, un des compagnons lui a dit quoi? Est-ce que je dois faire mes ablutions après avoir touché de l'eau chaude? C'est-à-dire que ce qui implique de ça, c'est que quand je fais mes ablutions avec de l'eau chaude, est-ce que je dois les refaire encore après avec de l'eau froide? Parce que l'eau chaude, évidemment, elle a été chaude parce qu'elle a été chauffée, elle a été touchée par le feu. Vous comprenez un peu maintenant ou pas? Elle sait quoi la réponse d'Abu Huraira, évidemment? Il a dit quoi? Alors, il lui répondit que le hadith ne doit pas être opposé avec ce genre d'opposition, qui est rejeté lorsqu'on regarde ce qui est voulu par le hadith. Et c'est que le fait de manger ce qui a été transformé, changé par le feu, rend les ablutions obligatoires et pas ce que les membres ont touché. Donc si tu fais de l'eau chaude, tes ablutions avec de l'eau chaude, maintenant la question, est-ce que tu dois faire encore tes ablutions après avec de l'eau froide? Je vous pose la question. Hein? Hmm? Non. Non. Tandis que maintenant, si tu as mangé quelque chose qui a été touché par le feu, alors là, oui. Et là, maintenant, on rentre dans le fiqh du hadith. Hein? Comme j'ai dit, on ne va pas rentrer sur ce hukm là. Je vous donne la référence de Hachet Sindi pour les frères qui veulent revenir sur ce point là. Hachet Sindi, volume 1, page 280 aux éditions Dar al-Ma'rifa. Maintenant, par rapport au fiqh du hadith lui-même, les ulama ils ont différents avis là-dessus. Hein? Retournez à Bulugh al-Maram, l'explication de Abdallah al-Bissam, Tawdih al-Ahkam. Si je me souviens bien, ça devrait être dans le premier volume. Qui s'occupe de traiter le sujet de Tahara. Revenez aux annotations de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, de Bulugh al-Maram aussi, qui sont éditées en quatre volumes, premier volume exact, également aussi. Revenez à Cheikh Al-Fawzan, l'explication de Bulugh al-Maram. Et Cheikh Al-Fawzan, il a fait un bon jama'a entre l'Adilla et Sharia, parce qu'il y a plusieurs hadiths hein, qui sont en apparence contradictoires à ce sujet-là. Et il y a une fatwa de Lejnat Da'ima, hein, parce que je vous comme l'a rapporté, que vous sortiez au moins avec un élément de réponse. Lejnat Da'ima, ils ont considéré que ce hadith-là, il est abrogé. D'accord? D'autres ulama, ils ont dit que quoi? Quel jama entre hadith, que c'est préférable de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Hein? D'autres ulémas, comme Cheikh Al-Fawzan de Boulmaram, ils ont dit que quand on regroupe ce hadith avec les autres hadiths sur le fait de manger la viande de chameau, eh bien c'est que quoi? C'est qu'on ne fait pas les ablutions, sauf pour ce qui est la viande du chameau lorsqu'on la mange. Hein? Je ne voudrais pas, parce que ce n'est pas un cours de fiqh ici, je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail, mais pour susciter votre intérêt, votre curiosité, on en a parlé maintenant, alhamdoulilah, et retournez aux sources dans les livres de fiqh, ou si vous voulez que vraiment on traite le sujet, on peut toujours préparer ça, inshallah, et le faire ensemble, ce n'est pas un problème. Donc ici, le point, ce que je veux dire par là, c'est que le point ici, ce n'est pas le fiqh en tant lui-même du hadith là, mais c'est par rapport au quoi? Au fait qu'on ne donne pas d'exemple à la sunnah. On continue l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. يعني لا تدرك بالعقول ولا الأهواء. تدرك بالنقل. تريد السنة. تريد الهدى. تعلم. أدرس. وإذا جاءت السنة تفقه فيها. استخدم عقلك في فقهها. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. حديث متفق عليه. أما بدون نصوص بدون السنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة الأعراف. Donc Cheikh Rabi, hafidhahu Allah, il continue son explication de Usul Sunnah par rapport à la parole de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit il n'est pas comprise par les raisons ni par les passions. Donc on a dit quoi la sunna? On ne lui donne pas d'exemple, et maintenant on est sur un autre point déjà, qui est quoi? Qu'elle n'est pas comprise par les raisons ni par les passions. Alors peut-être des frères qui vont se poser la question, on dit, mais on doit utiliser la raison quand même pour comprendre la sunna. Cheikh Rabi va expliquer ça dans un instant, inshallah. C'est-à-dire, elle n'est pas comprise par les raisons ni les passions, mais elle est comprise par ce qui est rapporté comme texte. Évidemment, après qu'on va dire, Cheikh Rabi, on utilise la raison pour comprendre les textes. Hein? Mais l'important, c'est qu'il y ait des textes, qu'on comprend la sunna avec les textes. Tu veux la sunna, Cheikh Rabi dit, tu veux la guidance, apprends, étudie. Et si la sunna t'est rapportée, comprends-la. Utilise ta raison pour la comprendre. Celui qui a Allah veut un bien, Allah lui fait comprendre la religion. C'est un hadith du prophète, A.S.A.T.O.S.A.L.A.M. Et il est rapporté par le Bukhari numéro 71 et Muslim numéro 1037. Donc c'est donc ce qu'on appelle un hadith muttafaqun alayh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre la sunna juste avec la raison, il faut la comprendre avec les textes, mais évidemment... dans le cadre de l'étude des textes, on utilise la raison. Allah nous a donné une intelligence pour comprendre les textes. Tandis que tu veuilles parler au sujet de la religion d'Allah sans texte, sans sunna, et vous comprenez bien maintenant ce que ça veut dire, la parole précédente de Cheikh Rabi, eh bien Cheikh, il dit, cela fait partie du fait de parler sur Allah sans science. Et on va voir, inshallah, la gravité de cela. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, « Dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne saviez pas. » Ibn Qayyim, rahimahullah, qu'on va le voir dans un instant, il a rapporté une faïda, un bénéfice sur ce verset-là. Il a dit que dans ce verset-là, dans ce texte, eh bien, les choses, elles ont été citées dans un ordre de gravité. Et c'est quoi le plus grave? La fin du verset? De parler sur Allah sans science. Or, avant, il y a quoi? « Wa antushriku » Billahi ma lam yunzil bihi sultana. Donc il y a quelque chose à comprendre de ça, on va le voir dans un instant, inshallah. Pour les frères qui veulent le verset de Sourate Al-A'raf, c'est verset 33. Cheikh Rabi, il dit: "Fala budda lil muslimi min tawqifin fil aqaid, fil ibadat, fil halal, fil haram, fi umuri ad-dunya ijtahid. Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Cheikh, il dit le musulman se doit donc de s'arrêter dans les croyances et les actes d'adoration. Ce qu'on appelle al-tawqif ici, ce qui veut dire par la Cheikh Rabi, c'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas, tu t'arrêtes et que tu ne fasses pas tant qu'il n'y ait pas quoi une preuve. C'est ça qu'il veut dire par là. Tu t'arrêtes quand il y a une preuve, oui. D'accord? Dans le licite et l'illicite. Tandis que dans les affaires de ce bas monde, fais ton effort d'interprétation. Hein, fais ton ishtihad dans les affaires de ce bas monde. Mais quand c'est les affaires religieuses, dans la aqaïd, les croyances, et tout ce qui touche au licite, à l'illicite, et tout ce qui touche aux ibadat, aux actes d'adoration, et bien à ce moment-là, on a besoin de quoi? De textes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est la traduction du sens du hadith, vous êtes plus savants de vos affaires de ce bas monde. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rapporté par Muslim, numéro 2363. Cheikh, il dit, الأصل في الدين التحريم إلا ما أذن فيه الشارع فإذا دخلت بعقلك في دين الله اتبعت هواك وقلت على الله بغير علم وهذا من أكبر الذنوب وفي بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله لأنه شرح هذه الآية وقال et puis on va citer la parole d'Ibn al-Qayyim رحمه الله. Par rapport à ce hadith-là, une petite faïda qui me revient en tête, c'est un hadith, le hadith de Sahih Muslim, numéro 2363, dans le sens « Eh, vous êtes plus savant de vos affaires de ce bas-monde ». Revenez à l'explication de ce hadith-là, parce que c'est un hadith que les gens de l'innovation ils utilisent souvent. Hein? Et ils ont choubha par rapport à ça. Hein? Soyez curieux, allez-y regarder un peu ce que les ulama disent par rapport à ce hadith-là. Cher, il dit, la base dans la religion, c'est l'interdiction, sauf ce qui a été autorisé par le législateur. Si tu entres dans les sujets de la religion d'Allah avec la raison, tu auras suivi tes passions et tu auras parlé sur Allah sans science. Et ceci fait partie des plus grands péchés, le fait de parler sur Allah sans science. Et des fois, c'est plus grand que le shirk, l'association. Comme l'a dit Ibn Qayyim, rahimahullah, car il a expliqué ce verset de Sourate Al-A'raf en disant « Inna al-nas » تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى فأعظمها القول على الله بغير علم أعظم من الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وغيره وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a expliqué ce verset de sourate Al-A'raf verset 33, il a dit cela va dans le texte, c'est-à-dire le verset coranique de sourate Al-A'raf, du moindre au plus élevé. Le plus grave est de parler sur Allah sans science. Le plus grave est de parler sur Allah sans science, plus grave que l'association, car y entre l'association et autres. Et l'association, le shirk, n'est que des paroles des gens du faux et des gens de l'égarement. Cheikh, il termine ce point-là, فالحذر, en disant, فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم وإنما الفقه في هذا النص كما هو الشأن في الصحابة والتابعين كما قال هنا إنهم الاتباع وترك الهوى يعني لا تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى إنما هو الاتباع وترك الهوى وتجرد لله رب العالمين. شيخ ربيع continue donc cette explication de ce point. Il dit Prenez donc garde à parler dans la religion d'Allah avec la passion, hein, en étant berné, trompé par la raison et l'intelligence et la compréhension. Et vous voyez souvent ça quand vous parlez des gens de l'innovation, vous sentez ça qu'ils sont trompés, se laissent leurrer eux-mêmes par leur propre intelligence, leur propre compréhension. La compréhension, le fiqh dans ce texte, et c'est sur quoi étaient les compagnons et leurs successeurs. Comme il l'a dit ici, ce n'est que le suivi. إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعِ Ce n'est que le suivi et le délaissement des passions. وَالتَّرْكُ الْأَهْوَاءِ C'est-à-dire, ne pas rendre la raison ni la passion maître de la religion. Vous cernez un peu la différence ici. Évidemment, Allah nous a donné une raison, ce n'est pas pour rien. C'est pour l'utiliser dans la compréhension des textes, mais par les textes. Hein? D'accord? Et ce n'est pas de rendre la raison, maître de la religion. Hein? Et ça, c'est d'ailleurs un signe des gens d'innovation. Et je vous rappelle une parole de Cheikh Falah Ismail qui l'avait dit que parmi les usul d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les salafis, c'est quoi? Taqdimu al-naql ala al-aql. De donner préséance et de faire passer les textes sur la raison. Or, les gens d'innovation, c'est le contraire. C'est taqdimu al-aqli ala al-naql. C'est de faire passer la raison avant les textes. D'où certains, hein, comme le Qardawi et d'autres, qui refutent certains hadiths et qui ne les acceptent pas parce qu'ils disent non, ça ne va pas avec ma raison, je ne comprends pas ce hadith, ça va à l'encontre de la raison. Par exemple, le hadith de la mouche qui tombe dans. On avait déjà cité cet exemple dans un des livres qu'on avait fait, si je me souviens bien, c'était Usul Sittah expliqué par Cheikh Obeid. Quand le hadith, c'est quoi la sunna quand une mouche tombe dans un verre d'eau par exemple ou un verre de quelque chose que vous buvez, c'est quoi la sunna? Hein? C'est de le plonger complètement. Pourquoi? Parce que le hadith il est clair. Il y a, hein, dans une de ses ailes, quoi, le poison, et dans l'autre, le remède. Et qu'est-ce qu'ils disent? Regardez l'aql. Ouais, mais qui te dit que la mauvaise, c'est la première qui rentrait, etc. Hein? Et par rapport au chien noir aussi. Pourquoi pas le chien blanc et pourquoi pas, etc. C'est un os. C'est un os de celui qui, Allah, dont Allah Azza wa Jalla a dit, hein? Innahu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. D'accord? Et je vous avais rapporté une superbe parole d'Ibn Hajar rahimahullah qui est réfutée par la raison aussi. Dans le charh de ce hadith dans Fath al-Bari. Vous vous souvenez ou pas? Vas-y, tfadda. Ouais? Le sérum. Naam, qu'est-ce qu'il avait cité d'autre comme exemple? Hein, retournez à Ibn Hajar, l'Asqalani, Fath al-Bari, dans le charh de ce hadith de la mouche. Et vous allez voir, Inch'Allah, qu'il a donné des fawaïd et qu'il a réfuté. Sinon, dans les cours qu'on a fait, et si je me souviens, comme j'ai dit, c'est sur le Sitta, pour vous dire quelle cassette, franchement, je vais être honnête avec vous, je ne m'en souviens plus. Hein. À la Koulihal, c'est dans une des cassettes de l'explication de sur le Sitta qu'on a fait, Chira Obeid, il avait expliqué ça. Hein. Et donc, on termine ce point-là en disant ce n'est que le suivi et le délaissement des passions. Exclusivement pour Allah, le Seigneur des mondes. Puis on va rentrer légèrement dans le chapitre suivant. On ne va pas pouvoir terminer aujourd'hui. J'ai dû aller à l'hôpital avec ma fille parce qu'elle était un peu malade, donc je n'ai pas pu beaucoup travailler sur le cours. Et on rentre donc dans le chapitre qui s'attache à l'étude de l'Iman bil Qadar. Khairihi wa sharrihi. Wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Vous allez voir que Cheikh Rabi il va attirer notre attention sur l'importance de ce qui va se dire ici. L'Iman bil Qadari khairihi wa sharrihi. Wa tasdiq bil ahadith fih. L'Iman biha. La yuqalu lima wa la kayf. Innama huwa tasdiq wa l'Iman biha. Donc l'imam Ahmed rahimahullah, il rapporte un chapitre qui s'attache dans Usul Sunnah de l'imam Ahmed, puisque c'est lui évidemment qui l'a écrit, à étudier la croyance en la prédestination, le Qadar, son bien et son mal, khairihi wa sharrihi. Et il dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et fait partie de la sunna obligatoire dont celui qui en délaisse une caractéristique, c'est-à-dire ne l'accepte pas et n'y croit pas, ne fera pas partie de ces gens. La foi en la prédestination, son bien et son mal, et la croyance en les ahadiths qui ont été rapportés à son sujet et les accepter. Et on ne dit pas pourquoi, ni comment. Ce n'est que l'acceptation et la foi en cela. En explication de ce point-là de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا. هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيصف لنا أصولا من ترك شيئا منها ليس من أهل السنة. يعني يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا. Donc, Cheikh Rabi, il explique ce passage en disant, et en commençant cette explication en disant, et fait partie de la sunna obligatoire, dont celui qui en délaisse une caractéristique, ne l'accepte pas et n'y croit pas, ne fera pas partie de ces gens. Des gens de qui? De quoi? Des gens de la sunna. Cheikh, il dit, faites attention à cela ici, hein? Soyez attentifs à ce qui va être dit. Cette partie est très importante. L'imam Ahmed, rahimahullah, va nous décrire des fondements, ce qu'on s'attache à étudier les fondements de la sunna, dont celui qui en délaisse un seul ne fait pas partie des gens de la sunna. C'est-à-dire qu'il sort de l'ensemble de la sunna vers l'innovation religieuse, vers la bid'a. Soyez donc attentifs à cela. Cheikh, il continue en disant, « وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً » Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed, maintenant celle de Cheikh Rabi'. فَإِذَا تَرَكَهَا كُلَّهَا أَوْ مُعْظَمَهَا فَهَذَا هُوَ الْبَلَاءُ. Il répète la parole de l'imam Ahmed en fait. Il dit, il fait partie de la sunna obligatoire, donc celui qui en délaisse une caractéristique. Et puis il s'arrête, il explique. S'il la délaisse complètement ou en grande partie, c'est alors cela le malheur. وَلَمْ يَقْبَلْهَا. Et il ne l'accepte pas, c'est-à-dire, يعني, أَبَاهَا. Il la refuse. وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا. إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال والعياذ بالله وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى الشرك ولا إلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. Il n'accepte pas, c'est-à-dire il la refuse et il n'y croit pas, il ne fait pas partie de ces gens. S'il ne fait pas partie des gens de la Sunna, il fait évidemment partie de qui? Hein? Des gens de l'innovation religieuse, al-bid'a, ahlul bid'a, et de l'égarement, ahlul dalal. Ahlul bid'a wa dalal, les gens de l'innovation et de l'égarement. Et Cheikh dit, et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Et vous savez que l'innovation est divisée en grandes et petites, et en association et athéisme, et en malheur, comme l'a dit Ibn Qayyim, rahimahullah. C'est une traduction vraiment très littérale du mot bala. Hein? Il a dit, rahimahullah, l'innovation religieuse résulte de la mécréance et repose sur elle. Cheikh il dit, والبدعة تقوم على الهوى والضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. سورة الجاثية. فنعوذ بالله من اتباع الهوى ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء. Et vous comprenez maintenant que les gens de la Sunna, les noms qu'ils donnent aux gens de l'innovation, eh bien, ils ont une source dans la Sunna. Comme les noms des gens de la Sunna ont des sources aussi dans les textes. Comme Salafiyya, c'est une attribution, une affiliation au Salaf, au plus prédécesseur. On a déjà fait un cours là-dessus, il est sur notre site, même en PDF, en audio, pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas là, ils peuvent y retourner. Ahl Sunna wal Jama'a, on a dit la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, « لِأَنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِهَا وَمُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا » Contrairement à Ahl Bida'i wal Furqa. Pourquoi? Parce que les gens de la Sunna s'attachent à la Sunna et se regroupent autour de cette Sunna. Tandis que les gens de l'innovation, ils s'attachent à cette innovation et ils se divisent parce qu'ils sont divisés à cause de l'innovation. Donc la traduction de la parole de Cheikh Rabi ici, et l'innovation se base sur la passion et l'égarement. Puis il a cité un verset de Surah Jathiyah, dont la traduction du sens est « Vois-tu celui qui prend sa passion pour propre divinité ?» Et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Surat al-Jathiyah, verset 23. Cheikh il dit, nous cherchons donc refuge en Allah contre le suivi de la passion. Et c'est pour cela que les gens de la Sunna ont appelé les gens de l'innovation les gens des passions, Ahlul Ahwa. Car ils ont, comme il a dit Cheikh Rabi ici, les annahum khalafu din Allah wa tabu'u ahwa'ahum. Ha'ula mitl khawarij wal rawafid wal mu'tazila wal jahmiyah wal murji'a wal soufiyah al hululiya ou ahl wahdat al wujud ou ubad al qubur ou mashakala dhalik. Kullu hadihi bida'un wa dalalatun. مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. Donc Cheikh il dit, et ceux-là sont à l'image de quoi? Del khawarij, el rawafid, el mu'tazila, el jahmiya, el murjit, يعني el murji'a, el soufite, el soufiya, el hululiya, soufiya, el hululiya. On avait déjà expliqué dans un de nos cours. Et j'ai fait exprès de le remettre en article écrit sur notre site aussi. C'est quoi la différence entre quoi? Entre le hulul et quoi? Wahdat le wujud. Hein? Il y a une différence entre les deux qui est assez précise, hein? Même s'il y a une correspondance entre les deux, mais il y a une différence entre les deux et il y en a un qui est pire que l'autre. D'accord? Mais c'est quoi celui qui est pire que l'autre? C'est Wahdat le wujud. Hein? Parce que quelque part, quand tu dis, ils disent qu'Allah est en tout. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui adore une idole, il adore Al-Adou Billah. Hein? Vous voyez l'implication de ce genre de croyance-là fausse? Or, la croyance d'Al-Sunna al-Jama'a, c'est qu'Allah il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Allah vis sama. Hein? Donc pour, sans entrer dans le détail, vous retournez à notre site spvirmiga.com, il y a un article complet là-dessus sur la différence entre Al-Hulul et Wahdat al-Wujud. Ou les adorateurs des tombes, etc. Ce sont toutes des innovations et des égarements qui s'opposent au texte du Coran de la Sunna, qui s'opposent au fondement de la Sunna et à ses bases qu'on est justement en train d'apprendre ici. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et j'étais juste en train de parler avec un frère qui m'a dit qu'Annie, que son père était dans le coma et que Annie, Et qu'il n'y a pas pour le moment d'amélioration. Ils avaient déclaré sa mort cérébrale et puis, alhamdoulilah, il allait mieux, etc. À la kulli hal, il est dans une situation très grave. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérisse, subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oublie pas dans vos doigts, dernier tir de la nuit, dans ce sujoud. Hein, et tous les moments de l'istijaba particulièrement. Wa jazakumullahu khairan. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.